Le psaume 145. Si vous étiez ici la semaine passée, vous vous souvenez que pour la fête nationale, la fête du Québec, nous avons décidé d'étudier le psaume 51 en disant, s'il y a quelque chose qu'une nation a besoin aujourd'hui, c'est un esprit de confession, cette attitude d'humilité. Donc, on a étudié la confession du roi David par rapport aux événements avec Bathsheba. Et on a vu la structure d'une confession. Et nous avons prié pour le Québec et on a prié que nous pouvons démontrer collectivement un esprit de contrition, un esprit d'humilité. En même temps, on a dit qu'il y a une application personnelle et on a pris du temps pour pratiquer la confession personnellement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que la confession n'est pas par rapport à nous. La confession, c'est par rapport à Dieu. Et on a vu dans le psaume 51 que Dieu est miséricordieux, il est plein de compassion. On a vu qu'il est loyal dans son amour. On a vu qu'il est juste, qu'il est sage. Donc, lorsque nous péchons, lorsque nous nous dévions du cible, lorsque nous ratons le cible qui est Dieu, il faut confesser. Vu que maintenant la fête du Canada ou la fête du déménagement national tombe le 1er juillet, j'avais originellement pensé de faire le psaume 85. Mais après une rencontre avec Yann cette semaine, j'ai dit non, pour aujourd'hui, s'il y a une chose qu'un peuple a besoin, une nation a besoin, c'est vraiment de louer Dieu, de donner Dieu ce que lui est dû. Et donc, j'ai choisi le psaume 45, un psaume comme nous allons voir tantôt, où tout le peuple accorde à Dieu la place auquel il en a besoin, qu'il est digne. Et il y a par application, on va regarder aussi comment nous, en tant qu'Église, roi des rois, comment il faut constamment louer Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants en tant que communauté que nous pouvons collectivement t'acclamer, que nous pouvons par les chants et par l'animation de Romuald et Hélène entrer dans cette exaltation de ton nom, de qui tu es et de ce que tu fais. Et Seigneur, nous t'invitons d'être présent maintenant par ton esprit pour que nous puissions encore apprendre comment à haute voix et en communauté te reconnaître pour qui tu es. Et Seigneur, nous te demandons d'être présent afin de nous aider de comprendre le psaume, mais en même temps de le pratiquer. Mais comme nous avons prié la semaine passée, Seigneur, nous désirons que notre nation soit une nation, un peuple humble, capable de confesser nos péchés et de te reconnaître pour qui tu es. Et encore ce matin, Seigneur, nous prions pour notre pays et nous voulons être un pays qui te reconnaître comme le grand Dieu. Donc, on te demande d'être présent et de nous animer ce matin. Au nom de Jésus, amen. Lorsque nous avons commencé notre étude estivale dans les psaumes, vous allez vous rappeler que j'ai parlé de certaines particularités des psaumes. Une des particularités, c'est que je vous ai dit que il y a les psaumes qui sont tellement créatifs que l'auteur a pris l'alphabet hébreu, dans lequel il y a 22 lettres, pas comme dans nos alphabets français ou anglais avec 24, mais dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres, 26 lettres, et l'auteur a choisi la première lettre et il a commencé la phrase, ou il a commencé le strophe avec la première lettre de l'alphabet. Deuxième strophe, deuxième lettre de l'alphabet. Troisième lettre avec le troisième strophe. Et quand vous y pensez, il faut être vraiment créatif pour faire ça. Mais devinez quoi? Ce matin, le psaume 145 est écrit avec l'alphabet hébreu. C'est ce qu'on appelle un psaume acrostiche. Et comme je vous ai mentionné, il y a une douzaine de psaumes comme ça. Maintenant, vous allez voir tout de suite que vous allez dire, mais Glenn, tu viens de mentionner qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, il y a juste 21 versets. Ben, ça, c'est la façon qu'on a découpé le psaume en français. Mais il y a, voici un psaume qui est très créatif dans ce sens-là. Que l'auteur, David, a pris l'alphabet et il a écrit le psaume. Notez la première chose qui est dit dans ce qui est en italique dans le psaume. Vous voyez? Ça dit dans l'édition que Moïse nous a lue, « Chant de louange ». Dans le psaltier hébreu, il y a juste un mot, louange. Croyez-le ou non, le psaume 145, c'est le seul psaume dans le psaltier qui est intitulé louange. C'est le seul. Maintenant, nous savons qu'il y a 50 psaumes qui nous invitent de louer Dieu. Même pas simplement invite, mais qui nous mandate. Il y a un impératif, louer Dieu. Mais voici le seul qui porte cette souscription. Vous allez aussi vous rappeler que lorsque nous avons commencé notre série au mois de mai, j'ai dit qu'il y a quelque chose de très particulier avec la louange dans le psaltier. Si vous vous souvenez bien, je vous ai mentionné que dans l'hébreu de l'époque, il n'y avait pas de mot en hébreu pour l'idée de dire merci ou de remercier quelqu'un. Il était impossible de faire en hébreu de l'époque. Maintenant, ça a changé, la langue a évolué. Mais ça aurait été impossible pour moi de dire en hébreu ce que j'ai fait pour Romuald et Hélène. Ça aurait été impossible pour moi de leur dire « Merci Romuald d'avoir animé les chants. Merci Hélène de nous avoir préparé ce matin, surtout par les deux prières qu'elle a lues. » C'était impossible. Il n'y avait pas de capacité dans la langue. La façon qu'on a remercié les gens, c'est de dire à une tierce personne le bien qu'on a vécu à cause de ce que l'autre a fait. Donc, j'aurais dit, Gilles, c'était magnifique comment Romuald a animé les chants. Et Romuald aurait compris, Glenn est content, il me remercie. Il me remercie. Donc, voyez, qu'est-ce qui se passe dans les psaumes? Lorsqu'on dit louange, ça veut dire que David trouve une façon de remercier Dieu publiquement pour le bien qu'il vit sans dire Dieu merci. Et, comme j'ai mentionné au début du série, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, tout d'abord, que la louange ou le remerciement dans le psaltier est toujours public. N'est-ce pas? Si, en français, je veux remercier Romuald d'avoir animé les chants, j'aurais pu le tenir à côté et je peux dire « Hey, Romuald, merci beaucoup. » Ça, c'est pas public. Mais en hébreu, maintenant, le remerciement ou la louange est public, communautaire, si vous voulez. Mais deuxièmement, c'est à haute voix. C'est verbalisé. Moi, j'aurais pu très facilement, après le temps de louange, j'aurais pu courber ma tête et j'aurais pu dire, Dieu, merci pour Romuald. Ça, c'est ni public, ni à haute voix. C'est juste moi. Mais une fois qu'il faut être public et à haute voix, le récipient, le bénéficiaire, sait que la personne est contente. Parce que c'est public et à haute voix, verbale. Donc, vous voyez, ce psaume, écrit par David, est une façon pour la communauté de dire Dieu, hey, c'est au bout. Dieu, hey, c'est effrayant. Dieu, il est écœurant. Ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est à haute voix en communauté. Maintenant, juste une dernière chose. Vous vous rappelez que j'ai dit que le mot halal, al, d'où vient notre mot alléluia, est une combinaison de deux idées en hébreu. Al, loup, et el, Dieu. Donc, lorsqu'on loue Dieu, c'est un commandement, c'est un impératif. C'est un mandat. Et l'exemple que je vous ai donné au début de notre série était le suivant. Si je dis, Michel, ferme la porte. Maintenant, Michel ne va pas répliquer en disant, Glenn, ça c'est une bonne idée. Ferme la porte. Je dis, oui, Michel, ferme la porte. Et lui, il réplique, bonne idée, fermons la porte. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça peut là, exactement! Exactement! Donc, lorsqu'on dit louons Dieu, on ne répète pas louons Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On loue Dieu. Et on loue Dieu, comme nous avons vu au début, en disant à haute voix et en communauté combien on est content pour Dieu pour ce qu'il est, ses attributs, et pour ce qu'il fait dans l'histoire. On ne va pas simplement fermer la porte, ferme la porte, bonne idée, ferme la porte. Non, on va passer à l'action. Dieu ne veut pas qu'on dise « Alléluia, Alléluia ». Dieu, il dit « Ok, faites-le. Loue-moi, louez-moi. » Et ce matin, le psaume 145, parce qu'il est le seul psaume intitulé « Louange », nous donne la façon, nous donne un cadre, si vous voulez, pour vraiment reconnaître Dieu pour son nom, pour ses attributs et ses perfections, et ça va expliquer aussi comment louer Dieu. Et c'est ça que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Commençons avec le verset 2. Ben oui, le verset 1er. Où ça dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. » Et ensuite, c'est pas dans l'édition que Moïse nous a lu, mais littéralement, ça dit « Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Verset 2, « je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » La première raison pour laquelle il faut, à haute voix, en communauté, reconnaître Dieu pour qui il est, c'est à cause de son nom. Et même, Romuald avait le chant ce matin, « On se souvient de ton nom ». Maintenant, avec cette première raison, nous voyons la distance entre nos cultures, surtout nos cultures. Je ne vais pas parler pour les cultures africaines, mais je vais parler pour la culture canadienne et québécoise. Michel, qu'est-ce que Michel veut dire? Qui est comme Dieu. Il est bon, lui. Hein? Oui, oui. Gilles, qu'est-ce que le nom Gilles veut dire? OK. Oui, oui. Sandy, qu'est-ce que Sandy veut dire? Ami des gens. OK? Si vous allez sur le promenade Ontario cet après-midi et vous faites une enquête publique, quel est votre nom? Qu'est-ce que ce nom veut dire? Les gens vont vous regarder et ils vont dire, êtes-vous malade? Qu'est-ce que mon nom veut dire? Il y a une distance aujourd'hui entre le nom qu'on affiche, notre Macron, notre étiquette, et le sens de cela. Mais, aide-moi Hélène, donne ça à tout le monde. Moi, j'ai sorti de mes dossiers une liste des différents noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais c'est juste un échantillonnage ici. C'est pas complet. En tout, il y a 26 noms pour Dieu différents dans l'Ancien Testament. Comme en Genèse chapitre 1er, il y a le nom El ou Elohim, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omnipotent, la divinité. Ou en Genèse chapitre 2, c'est le nom Yahweh, éternel, l'auto-existant, le Dieu de l'Alliance. Il y a certains de ces noms que vous reconnaissez tout de suite, parce qu'on les chante. Genèse 17 et le verset 1er, El Shaddai. Vous vous souvenez du chant? El Shaddai, El Shaddai. OK, je ne vais pas le chanter, vous ne voulez pas m'entendre. OK? Mais ça veut dire le Dieu puissant, le Dieu tout suffisant. Ou en Genèse 22, 13, lorsque Abraham allait sacrifier son fils Isaac, et Abraham a dit à Isaac, Dieu, vous voyez, irait. Dieu pourvoit. Descendre un petit peu. Le psaume 23, peut-être un de nos psaumes préférés. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est un nom pour Dieu. Vous le voyez là. Yahweh Ra. Donc, j'ai compilé cette liste pour vous. Vous pouvez le mettre dans votre Bible. Vous pouvez faire toute l'étude de ces textes pour voir les différentes façons que Dieu, par son nom, se révèle. Et dans ce texte ici, David, il a commencé le psaume en disant, « J'exalterai » et il a choisi le premier nom qu'on a ici, « Elohim ». Il a dit, « J'exalterai » le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent. Voici le nom pour Dieu comme créateur. Et David commence à haute voix, en communauté, en disant, Dieu est le créateur. Maintenant, quand je vous dis Dieu est créateur, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Dieu est vivant. OK? Quoi d'autre? Dieu est créateur. Dieu est Elohim. Qu'est-ce qui vient à ton esprit? Dynamique. Voilà, beaucoup d'imagination. Voilà. Et tout de suite, David dit, à cause de ce dynamisme, ce Dieu plein d'idées, ce Dieu grand, il est pas simplement le roi, il est mon roi. Il est créateur, mais il est aussi souverain. Il est seigneur. Donc David commence la louange avec qui Dieu est, par son nom. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament et lorsque nous lisons surtout les psaumes, lorsqu'on voit que nous allons louer Dieu pour son nom, ce n'est pas simplement une petite abréviation, mais c'est un nom, c'est une façon pour nous de nous rappeler que Dieu par son étiquette, Dieu par son nom, représente quelque chose de magnifique. Donc imaginez, Abraham a eu le mandat de Dieu de sacrifier son fils. Il est parti avec Isaac. Il est allé à cette montagne. Il a laissé les serviteurs et il a pris le bois. Il a pris la flamme. Il a pris Isaac. Et il a monté. À un moment donné, Isaac a dit, « Papa, le bois, la flamme, toi et moi, où est le bélier ?» Et qu'est-ce que Abraham a dit? Il a dit, mon fils, Genèse 22, 13, Dieu pourvoira. Pour ainsi dire, un nom représente une histoire. Dieu, par son nom, représente un récit. Ça, c'est la raison pour laquelle j'aime insister. Vous m'avez entendu dans le passé. Je vais commencer. Nous connaissons Dieu par ce qu'il fait. Dieu n'agit pas simplement d'une façon théorique. Dieu n'est pas simplement un Dieu lointain. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle et s'est révélé. Et nous connaissons qui il est par ce qu'il a fait. Et Abraham a pu dire... Dieu pourvoira. Et mes amis, dans notre quotidien, lorsqu'on dit Elohim, ah, Dieu est dynamique. Ah, Dieu pourvoira, j'ai un besoin, Dieu pourvoira. Ou peut-être je me sens attristé. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Yahweh Rama. Je suis ton berger. Donc, on a tous ces noms de Dieu pour nous rappeler que ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu qui agit dans notre présent. Et son nom représente sa façon d'agir. La deuxième chose que nous voyons dans le psaume, et le temps ne nous permet pas de faire une étude exhaustive, mais nous avons toutes les, deuxième chose, ses attributs. Ses perfections, ses qualités. Vous vous souvenez, au début de notre série, je vous ai demandé de profiter, pas de l'alphabet hébreu, mais de l'alphabet français. Oui, oui, s'il te plaît. Okay? Et j'ai dit, faisons cet exercice. On va prendre les 26 lettres. C'est ça, 26 lettres dans l'alphabet français, excusez-moi, 22 lettres dans l'alphabet Hébreu, voilà. OK. Donc, 26 lettres dans notre alphabet. OK? Et j'ai dit, pendant l'été, lorsqu'on pense à une qualité de Dieu, à une de ses perfections, on va le mettre sur notre schéma. Et jusqu'à date, nous avons les qualités de Dieu selon, en acrostiche, on n'a pas de K, on n'a pas de Q, et on n'a pas de X, Y et Z. Mais écoute, on est juste à mi-chemin dans l'été, donc il nous reste amplement de temps. Mais aujourd'hui, merci Hélène, je vais juste choisir trois de ce texte. Parce que David dit que, tout d'abord, Dieu est bon, Dieu est bienveillant, et Dieu est, on a dit gentil, généreux, on va ajouter une autre aujourd'hui, il est grand. OK? Donc, voici ce que David a dit. Il a dit dans le verset 3 que Dieu est grand. Dieu est grand parce qu'il est créateur. Donc, quand il dit au verset 3, il dit « L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. » David vient de dire que Dieu est Elohim, Dieu est créateur. Donc, si tu es créateur, Dieu, ça veut dire que tu es pas mal grand. Parce que est-ce qu'un créateur de l'univers peut être petit? Non. Donc Dieu est grand à cause de ce qu'il a accompli. Mais encore, nous voyons notre distance culturelle de l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, nous avons créé Dieu à notre propre image. Dieu est souvent le reflet simplement de notre petite pensée. Mais Dieu, il est suprême. Et sa grandeur est insondable. Encore, je vous pose une question. Pensez à l'Ancien Testament pour un instant. À part de la création, est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a un moment quand Dieu s'est manifesté et quand vous pensez à cette histoire, vous dites, là, Dieu, il était grand. Est-ce qu'il y a une histoire qui vient à votre esprit quand, vous, en lisant le texte et en vous rappelant de cette histoire, vous dites, oui, Dieu est grand. Oui, Lynn. L'histoire de Joseph. Oui, oui. Quand Joseph l'a sauvé, oui, sa grandeur était insondable. Oui. OK. Oui. Oui. Rien. Mais le Dieu de Élie a foudroyé le sacrifice. Dieu est grand. Mais je vous pose la question ce matin. Dans votre quotidien, dans votre propre récit, est-ce que vous permettez Dieu d'être grand? Est-ce que vous permettez que sa grandeur soit insondable dans votre cheminement? Ou avez-vous limité Dieu à votre image sur lui? Dieu est grand. Deuxième chose, David dit dans ce texte, maintenant, dans le verset 7, il dit qu'elle évoque les bienfaits immenses dans mon édition. Elle évoque sa bonté. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, on parle de sa qualité morale, de sa personne éthique. On parle de qui Dieu est dans ses perfections, dans sa personne, dans ses actions, dans son nom. Et j'aime la façon que c'est traduit dans mon édition, quand ça dit que tout ce que Dieu fait évoque ses bienfaits immenses. Donc encore, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une histoire dans l'Ancien Testament? Lorsque vous l'avez lu, vous étiez poussé à dire, là, là, Dieu était bon. Où ses bontés immenses ont été révélées. Est-ce qu'il y a une histoire, Lynn? Ah oui. Imaginez, ça c'est une belle histoire, Lynn, parce que les gens de Ninive, de Ninive, étaient les méchants guerriers, c'était les guerriers haïs, détestables. Et Dieu, dans sa bonté, n'a pas simplement incendié la ville, mais il a envoyé Jonas pour parler de la bonté de Dieu. Et le plus grand réveil dans la Bible a eu lieu. Ninive a tourné vers Dieu. Donc, plutôt de les foudroyer, plutôt de les incendier, plutôt de les tuer, Dieu, dans sa bonté, les a sauvés. Oui. Ah oui. Oui. Moi, je ne suis pas capable de regarder une arc-en-ciel sans penser à la bonté de Dieu. Que Dieu n'a pas anéanti sa création pour toujours. Le Dieu de la Bible, il est bon parce qu'il est le Dieu de la seconde chance. Et dans ma vie, je parle pour moi-même, troisième, quatrième, cinquième chance. Parce que Dieu est bon. Troisième attribut. Juste, on va prendre trois aujourd'hui. Le verset 8. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Le troisième, c'est cette idée de la bienveillance de Dieu. On l'a vu brièvement la semaine passée, j'en ajoute aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la bienveillance de Dieu, on parle de deux choses. On parle tout d'abord que Dieu est amour, mais en même temps, dans ce mot « esed », on parle du fait que Dieu est loyal dans son amour. Et le mot implique les deux en même temps. Que Dieu aime, mais Dieu est toujours loyal dans son amour. Il est bienveillant. Aujourd'hui, il est tellement facile de dire, « Oh, je t'aime. » Mais quand les choses vont mal, on fout le camp. Dieu ne fout jamais le camp. Parce qu'il est loyal dans son amour. Et encore, je répète ma question, en lisant l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a une histoire où Dieu était vraiment loyal dans son amour, Sandy? OK. Dieu était bienveillant envers Ruth, à un tel point qu'elle est maintenant l'arrière-grand-maman de Jésus. Et un Moabite, en plus, donc pas digne de faire partie de la généalogie juive. Ça, c'est la bienveillance de Dieu. Donc, oui, Lynn. Rahab, même chose. Une prostituée qui a été complètement écartée du peuple juif. Mais à cause de ses gestes envers les espions, Dieu était loyal dans son amour envers elle. Agar, Dieu voit et Dieu écoute. Excellente. Donc, mes amis, Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu est bienveillant. Et on reconnaît ses qualités par la façon qu'il a agi dans l'histoire. Qui veut dire que Dieu est capable d'être bon, grand et bienveillant envers nous? Et nous pouvons, à haute voix, en communauté, parler de ce qu'il a fait pour nous, pour qui il est. Donc Dieu a un nom, Dieu a ses qualités. En conclusion ce matin, regardez juste la façon que David maintenant, comment il loue Dieu dans ce texte. Regardez les verbes dans le passage. Tout d'abord, verset 1er, « Je t'exalterai ». Lorsque on exalte quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on exalte, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans notre parler français, mais le verbe existe, évidemment. Michel, qu'est-ce que ça veut dire, exalter quel? Exactement! Mes amis, si vous voulez voir l'exaltation cet après-midi, vers 19h, allez soit dans le Petit Italie ou dans les communautés espagnoles et vous allez voir l'exaltation. Et si vous voulez voir le déprime total, allez dans le quartier des perdants. Oui, petite idée. Mais vous voyez, je me souviens, Sandy et moi sommes allés une fois avec les filles, on est allés à Louisbourg, sur l'île Cap-Breton, et on a visité la première colonie, mais c'est une restauration de la première colonie française au Canada. Et chaque été, il reprend la restauration et les gens vivent à l'époque de Louis XVI, qui a envoyé les colons au Canada. Mais ils vivent à l'époque et ils parlent à l'époque. Pas de l'époque, mais à l'époque. Tout le monde vit sa personne. Donc, on a rencontré un intendant qui est le représentant du roi. Et il a parlé en exaltation du roi Louis XVI. Donc, le texte dit ici, « J'exalterai Elohim, mon roi. » Donc, si les Italiens ou les Espagnols seront capables cet après-midi d'exalter une équipe de foot, qu'est-ce que le peuple de Dieu devrait faire envers Dieu à cause de son nom et ses attributs? On devrait, comme Michel a dit, louer à l'extrême, exalter. Deuxièmement, on voit un deuxième verbe ici. Le texte dit que « Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Et il le répète au verset 2, « Je te bénirai tous les jours, à toujours et à perpétuité. » Mais qu'est-ce que ça veut dire de bénir Dieu? On dit que Dieu nous bénit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous de bénir Dieu? Le mot veut dire littéralement de ne pas oublier ou de se souvenir d'eux. Donc, dans le verset 1 et 2, nous avons un texte miroir. Ou en verset 1, l'auteur dit, « Je ne vais pas oublier ton nom, je me souviendrai de toi à toujours et à perpétuité. » Donc, nous bénissons Dieu lorsqu'on ne l'oublie pas. Il est facile dans notre ville d'oublier Dieu 6 jours sur 7. Je peux vivre en mettant ma confiance dans le fric, je peux vivre en mettant ma confiance dans l'argent, les cartes de crédit. Je peux, si j'ai besoin d'aide, je peux appeler mes amis. Si j'ai faim, ben j'allais dire, je peux aller chez McDo, mais je ne vais jamais chez McDo. Mais en tout cas, je peux aller dans un restaurant. Si j'ai soif, je peux aller au robinet et chercher de l'eau. Pour ainsi dire, dans notre ville, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai besoin de moi. Mais le dimanche arrive, oh oui, il faut que j'aille à l'église. Oui, oui. OK, je vais me rappeler de Dieu ce matin. Mais le texte dit ici, non. Je ne vais jamais oublier Dieu 168 heures par semaine. Je vais me rappeler de lui constamment. Et je bénis Dieu quand je mets Dieu au cœur de mes projets. Et je dis, Dieu, je vais faire de mes projets tes projets. Je me souviens de toi. Donc, tout d'abord, David exalte Dieu. David bénit Dieu. Et juste un dernier, verset 4. Que chaque génération célèbre qui tu es. Et combien tes œuvres sont belles quand publie ou quand proclame tes autres faits. Comment est-ce que David a loué Dieu? Il l'a célébré, il a applaudi, il a chanté, il a dit, hey, c'est bien. Et il a proclamé, il a dit autres faits. Oui, Dieu est Elohim, Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu est bienveillante, il l'a fait dans le passé et il le fera de nouveau. Donc, ce matin, on voit qu'il faut verbaliser en communauté que Dieu, il porte un nom. Et ce matin, son nom est Elohim, le Créateur. On verbalise à haute voix, que Dieu est grand, bon, bienveillant. Et on l'exalte, on ne va pas l'oublier, on va la célébrer. Donc, voici ce que Dieu exige de son peuple et ce que Dieu veut du Canada et du Québec. Louons Dieu ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le psaume 145. Merci pour le fait que tu es créateur. Et avec mes amis ce matin, je te remercie car tu n'as pas simplement créé dans le passé, mais que tu as créé aujourd'hui et tu soutiens ce que tu as créé. Et je te remercie pour ces histoires que nous avons partagées ce matin où tu t'es manifesté par ta grandeur, ta bonté et ta bienveillance. Et on t'invite de te manifester de nouveau par ces qualités. Et ce matin, nous voulons t'exalter. On se souvient de toi et on veut proclamer à haute voix tous tes bienfaits que tu as faits pour nous. On est tellement reconnaissant. Donc, Seigneur, la semaine passée, on te remercie pour le Québec. Aujourd'hui, on te remercie pour le Canada. Et nous sommes contents de vivre dans un pays où nous pouvons, avec la porte ouverte et les fenêtres ouvertes, partager tous tes bienfaits envers nous. Nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mes amis, bonne journée, bonne semaine.